Selon le journal sud-coréen Le Travail et le Monde, plus de 27,5 000 ouvriers d'Ulsan de la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques ont proclamé la grève générale le 20 juillet contre la restructuration, la réforme du travail et la répression des syndicats par la bande de Park Geun-hye. À ce propos, la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques a organisé le 14 à Ulsan une conférence de presse.